Chapitre 41 À Saint-Ouen. Tandis que la famille Chopin traînait sa misère en chignole pour échouer finalement au milieu des terrains vagues de la zone, le brave Gibet tirait son clou et bouffait du mitard à la Santoche. Après le coup dur du sapement à six marqués et tous les emmerdements de l'entoilage, il avait réagi et renaudé. Et ça pour un rien. Mais ce rien était son point d'honneur à lui, brave populo. Il n'y avait pas à chier, c'était bien son coup de ressaut. Voici la chose. Il ne voulait pas en ficher une secousse. Rien, pas seulement ça. Lui, turbiner dans les geôles, ôter le pain de la bouche aux camaros, à jamais par exemple. D'autant plus que l'entrepreneur lui colloquait de rifles du boulot dans sa partie. Bijoutier en cellule. Et celui-là, je travaille pas dans les prisons, avait-il déclaré tout net en se croyant sûr de son droit. Il allait voir ça. Les prisons modernes sont de véritables usines. À la santé notamment, il y a des machines à vapeur installées pour les grandes entreprises. Et cela profite à quelques négriers sans scrupules. On juge à combien leur revient la main-d'œuvre dans ces conditions. Par exemple, ils doivent se charger de l'entretien du détenu, évalué, tout compris, à 12 ou 13 sous. Or, se payer un ouvrier de l'habileté de J.B. Chopin, car il était passé maître en bijouterie d'art, pour la modeste somme de 13 sous et lui imposer la masse, c'est-à-dire double ou triple journée, on avouera que c'est un métier réellement avantageux. Avec 6 ou 8 000 prisonniers à nourrir, on peut en vivre. Signe particulier, les entrepreneurs des prisons sont toujours millionnaires. Chopin passa au rapport avec cette fiche terrible, refus de travail. Le rapport a lieu dans le bureau vitré du rond-point où aboutissent les galeries de cellules. C'est un tribunal sans appel, présidé par le directeur, et on n'y est pas tendre. La pénalité la plus douce est la suppression de la literie, entraînant bien entendu la suppression des visites et de la cantine. Cela pour moins que rien. Un peu de poussière dans la cellule, un geste, un regard, un salut esquivé, que sais-je, avoir fredonné ou sifflé tout bas. Tout haut, ce serait le mitard, le cachot, la punition courante. L'insuffisance de travail y mène rondement. Le refus, oh alors! Le surlendemain de son entrée à la santé, J.B. Chopin fut appelé au rond-point à 9 heures et mis en présence de l'état-major pénitentiaire. Face de brute galonnée, une vision de bagne. Debout, béret à la main, main, couture pantalon, talon rapproché, jamais été soldat, fixe! C'était le brigadier qui gueulait ça, tandis que le gardien-chef roulait des yeux féroces, caressait la poignée de son sabre, et que le directeur compulsait les feuillets du rapport. Il foudroya Chopin du regard, superbe de crétinisme et de bestialité, le képi campé sur l'oreille, une grosse médaille d'or sur la poitrine. « Vous avez refusé le travail, vous ?»« Oui, » voulut expliquer Chopin, « et je vais vous dire une bonne chose, monsieur le directeur. Fixe, 8 jours, mais un autre !» Mais 15 jours qu'on l'emmène. Pas avant d'avoir dit la camisole et les poussettes. Nom de Dieu! Greffier, demandez 1 mois à monsieur le préfet. Gardien, à vous. Non, jamais! Le poste, baïonnette au canon. Ça ne traînait pas. Ce fut comme un passage à tabac poussé à son ultime puissance, de quoi dégoûter les flics. Les gaffes se ruèrent sur l'ouvrier et l'enlevèrent à coups de clés et de bottes. On lui arracha ses vêtements, on le laissa nu, avec un pantalon de treillis et une chemise de toile écrue, les deux seuls vêtements tolérés au mitard. Les soldats du poste entouraient le malheureux, la baïonnette visant les reins. Chopin était terrifié de cet effroyable déchaînement de férocité. Il passa le pantalon, la chemise, et se laissa boucler dans la camisole de force, les deux mains attachées derrière le dos et ramenées à la hauteur des épaules. Il comprenait que toute rébellion serait la mort. En prison, la vie d'un homme ne compte pas. Marchez ! Ses jambes se dérobaient sous lui. Il fit signe que c'était impossible. Refus ! Constata son gardien. Et on lui ficela les pieds. Deux auxiliaires le portèrent en courant au cachot dans le fond de la galerie. Il se retrouva, dans la nuit glacée, demi-nu et seul, sur une planche de chêne polie en forme de cercueil. Il était au mitard, le tombeau des forts et des malins, la terreur des costauds. Alors il se débattit, il pleura, il appela, il rugit. La porte se rouvrit et en deux temps on le bâillonna. Puis de nouveau on le laissa. Tout son être était immobilisé, paralysé. Il n'entendait plus rien, il étouffait. Ses yeux, agrandis par l'horreur, roulaient dans le noir du sinistre cachot. C'était un triangle de maçonnerie avec une lucarne de bois interceptant la lumière mais laissant filtrer l'air glacé. Le régime se compose de deux verres d'eau et d'une demi-boule de son par jour. En sortant du cachot, on est généralement admis d'urgence à l'infirmerie. En hiver, le maximum, un mois, c'est la mort. Eh bien non, Chopin ne lâcha pas la rampe. Il eut la veine insolente d'avoir les bras et les jambes gelés pendant sa peine. On le porta à l'infirmerie des prisons de la Seine, dont les bâtiments se trouvent précisément au milieu de la santé, et il en réchappa. Seulement, il resterait perclus toute sa vie. Quelle idée aussi de s'offrir du mitard pendant le grand hiver! Autour de lui, les miséreux tombaient comme des mouches, et il s'en allait dans un vieux drap, au champ de navets, aux frais de monsieur l'entrepreneur qui enrageait. Pauvre JB! Fifine lui écrivait sa détresse, et il faisait répondre, par un oxyco, car il ne pouvait plus se servir de sa droite. Ah! Ce fut long à tirer, les six marquets. Enfin, l'été vint un peu dégeler ses membres, et on le rebloqua en Célotte, où il travailla, lâchement, au chêne, quoique infirme. Et un matin, on lui rendit ses fringues, on leva son écrou, on lui mit quelques centimes dans la main, et le gaffe de l'entrée cria « Liberté !» Il était dans la rue de la Santé, tout étourdi et aveuglé par le grand air. Il ne savait plus marcher, et il lui semblait que le monde devinait sa déchéance, savait d'où il sortait. Lentement, s'appuyant sur un bâton d'infirmerie qu'on lui avait octroyé, il se traîna jusqu'au tramway et traversa Paris. Au fortif, il descendit, tâtonna, s'informa. C'était là-bas, tout là-bas, que grouillaient des panetés de déchards dans les roulottes et sous des bâches. Il repartit. Le vieux wagon des Biffins était toujours là et s'anichait devant. Oh, quel spectacle! Ma pauvre Fifine! Les mômes! On ne le reconnut pas d'abord. Enfin, on l'embrassa, on essuya ses grosses larmes, on essaya de le consoler, de lui faire espérer en des jours meilleurs. Il secoua la tête et bégaya, écrasé. Non, mes enfants, jamais on ne la remontera plus, cette côte de misère. Et il jeta un regard morne autour de lui, sur le champ pelé, galeux, où le pâle soleil de ce jour pluvieux mettait un sourire triste. C'était près de lui le wagon du père Jean Boncœur, échoué, comme une vieille carcasse de navire, sur un coin de côte lointaine, calé parmi des tas de choses sans nom et sans forme, des bouts de feutre qui avaient dû être des chapeaux, des morceaux de verre, des lambeaux d'étoffe pisseuse, tout le résidu des poubelles. Et plus loin, c'était un campement de pauvres bougres, blottis sous une bâche, vivant on ne savait de quoi, une bande pouilleuse, une femme en jupon, demi-nue, lavant des guenilles dans un baquet, un vieillard, sinistre des bêtudes silencieuses. Un cheval en liberté, véritable défi à Macquart, promenait sa carcasse maigre, allongeant le cou vers de rares touffes d'herbe, et à chacun de ses pas, on eût dit qu'il allait s'effondrer comme un squelette anatomique dont les ficelles se cassent. Aussi loin qu'il pouvait regarder, JB ne voyait que misère et détresse, et Paris grondait là-bas dans son indifférence énorme. La misère, elle était dans l'air, elle sortait de ses champs jaunes rissolés sans un frisson de gaieté, elle était plaquée, masque indélébile, sur ses visages qui ne se plaignaient pas. Et Chopin, lui aussi, se vit condamné, exécuté. Il avait mangé son pain blanc le premier. C'était une rude et sale existence qui commençait. Il était empoigné dans il ne savait quoi de formidable qui ne pardonnait jamais. De grosses larmes inconscientes roulèrent sur ses joues terreuses. « De quoi, ma vieille branche? Que t'as chialé? T'es donc pas un homme? T'as tes deux bras pour turbiner, pas vrai? Ben alors! C'était le vieux Biffin qui, la main sur l'épaule de JB, essayait de le réconforter, de lui remettre du cœur au ventre. Mais Chopin frémit. Ses bras! Le pauvre bougre, perclus, gelé, ses bras, foutu! Il ne trouva rien à dire. Et comme si toute parole d'espoir ou de pitié dût trouver là un écho de désespérance, ce fut la voix de Rose-Aimée qui, aux encouragements du Biffin, répondit par une plainte d'une tristesse infinie et navrante. Bon, grommela Fifine, encore la sacrée môme qui piaille! Et, montrant la vieille corbeille qui servait de lit au bébé, elle nous a porté la guigne noire, y a pas à dire, cette petite poison-là. Vas-tu clore ton bec, chipie à ragdale! Elle se dirigea vers le panier d'osier, la main levée dans une menace, mais elle s'arrêta, hésitante, veule. Devant le lamentable berceau, un grand chien maigre, au bon doux quinquet, se dressait et furieux montrait les dents. Fifine recula, et le chien, lentement, doucement, se mit à lécher l'enfant d'un air de camaraderie et de tendre protection. Toutou, le clerc de Jean Boncœur, avait adopté Rose-Aimée. Fin de la première partie.